On n'avait pas le choix de la défense. On n'avait pas le choix pour les attaquants. On n'avait pas trop de linge en France. On n'avait pas le choix de la défense. On n'était pas le cœur confidence. On n'avait pas bien calé l'importance. On sentait pas l'atmosphère devenir rance. On chantera pas, le stade et toute l'ambiance. On chantera pas, c'est qu'on n'aura pas la Coupe du Monde en France. On n'aura pas le choix de la défense. On l'aura pas, ça n'a pas d'importance. On n'aura pas la Coupe du Monde en France. C'est qu'on n'aura pas la Coupe du Monde en France. On l'aura pas, on n'a pas le choix de la défense. On l'aura pas, ça n'a pas d'importance. On l'aura pas la Coupe du Monde en France. Allez, allez, allez. Une chance pour nos arrières. Allez, allez, allez. Une chance pour les attaquants. En clair, allez, allez, plus de chance pour nos artères. C'est qu'on n'aura pas la Coupe du Monde en France. On n'aura pas, on n'a pas de défense.